disait très souvent. Il disait aussi, il voulait mourir jeune. Je voudrais laisser une trace indélébile, quelque chose qui marque la mémoire comme un cri. Quand se détruira seulement une seconde, quand la détonation dans un terrible écho se rejoue.